Alfredo Cospito, c'est un prisonnier révolutionnaire anarchiste qui est maintenant en grève de la faim depuis 104 jours contre ses conditions de détention, celles du 41 bis, du régime du 41 bis et de la condamnation à perpétuité. Pour faire un peu d'historique, c'est un militant maintenant qui a une cinquantaine d'années, qui a été condamné une première fois pour avoir tiré dans les jambes d'un gros PDG du nucléaire italien, Roberto Ninolfi, et qui a été condamné à l'époque à 10 ans de prison. Depuis, il n'est jamais sorti de prison parce qu'il a été recondamné une deuxième fois pour un procès qui s'appelle le procès Scriptamanet, où il a été condamné avec Ania Beniamino, une autre compagnonne, pour un colis piégé devant l'école des Carabinieri, c'est l'équivalent de la gendarmerie. C'est des colis piégés qui ont fait que des dégâts matériels, mais de là, il a pris une vingtaine d'années de prison. Il a commencé sa détention dans un des régimes spéciaux, en gros l'équivalent des quartiers de haute sécurité en Italie. Et en mai dernier, il a été transféré dans le plus haut régime de sécurité que connaît l'Italie, qui est le régime du 41 bis. En parallèle, ses procès sont allés en appel. Et en juillet dernier, la cassation a requalifié le crime, disons, en massacre contre la personnalité interne de l'État. Il faut savoir, en Italie, la plus haute sentence qui puisse être donnée par la loi italienne. Et elle prévoit donc condamnation à perpétuité sans remise de peine. De là, effectivement, Alfredo Cospito s'est mis en grève de la faim pour contester ce régime de détention et cette condamnation. Le 41 bis, ça veut dire 22 heures de cellule sur 24 avec une surveillance 24/24 des flics. Il y a une heure de sociabilité. La sociabilité, ça se passe avec trois autres détenus max du même régime de détention. Il y a une heure de promenade, mais bon, en gros, c'est juste une cour avec des grilles par-dessus et pas de vue sur l'horizon, rien du tout. Après quoi, il y a une censure qui s'applique sur le courrier entrant et sortant, il y a très peu de matériel qui peut rentrer, il y a l'impossibilité de cuisiner, etc., etc. Il y a une heure seulement de parloir qui peut se passer soit avec l'avocat, soit la famille, c'est en même temps. Enfin, je veux dire, c'est pas en plus la visite de l'avocat. Et pour finir, c'est impossible d'assister à ces audiences, à ces procès en personne, physiquement, et donc tout se passe par vidéoconférence. En gros, c'est une privation totale sensorielle et physique. Ça vise à quand même détruire l'individu dans son corps et sa psyché, quoi. Il n'y a pas d'autres mots à dire sur ces conditions d'enfermement et très certainement la violence subie aussi de la part des matons, comme d'habitude. Un peu pour comprendre comment fonctionnent ces régimes spéciaux en Italie, il y a l'équivalent des quartiers de haute sécurité qui sont l'alta sicurezza, et il y a le régime de sécurité le plus fort qui est le 41 bis, qui est vraiment un régime d'isolement et de torture suprême. Ça avait été inventé dans les années 80 de base, ça devait être d'ailleurs provisoire, ça avait été inventé pour empêcher les mafieux de pouvoir communiquer des ordres à l'extérieur, en gros. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a glissé petit à petit dans les années 2000. C'est la première fois qu'on voit des militants politiques, des anciens brigadistes, à être condamnés à ce même régime spécial. Malheureusement, il y a une de ces personnes-là qui s'est suicidée en tôle. Et jusqu'à mai dernier, où en fait c'est la première fois qu'un anarchiste est reclus dans ces conditions-là. Faut comprendre que ce glissement, c'est un glissement qui s'opère de manière générale sur la répression en Italie, qui est certainement qui est lié en fait à la lutte armée et aux révoltes des années 70, où en fait on fait des groupes d'affinités politiques, on fait des groupes militants, en fait les mêmes liens que ceux de la criminalité organisée. Et d'ailleurs, les opérations répressives qui touchent l'Italie et qui touchent les compagnons en Italie sont souvent des grosses opérations terroristes ou subversives, et donc qui portent à des condamnations très graves, souvent parce qu'elles sont sous le coup de ces gros montage politique d'associations terroristes. Non sono l'1%, ma credetemi esistono, e se dai calci in culo, c'è da incominciare, chi è che scende per strada, non lo dimenticare, sono gli anarchici. L'Italie a quand même ce système assez particulier, quoi. En fait, il y a pas de différenciation entre une tentative de massacre et massacre. Donc quelque chose qui fait seulement des dégâts matériels, la condamnation est la même que si elle avait provoqué des morts. Malheureusement, il y a d'autres compagnons. On pense à Juan, qui il y a quelques mois a écopé de 28 ans de prison pour des faits qui n'ont pas fait de blessés ni de morts, avec cette même sentence de massacre. Là, de nouveau, on est devant une accusation de massacre, et d'ailleurs, on est devant la plus haute sentence que la loi italienne prévoit, parce que massacre contre l'intégrité physique de l'État, ça n'a jamais été donné, et même dans des cas précédents d'attentats qu'ont connu l'Italie avec des morts et des blessés, cette sentence-là n'avait pas été donnée. Cette sentence prévoit la prison à perpétuité sans remise de peine, avec pas de possibilité d'accès à certaines choses en prison. C'est là-dessus que l'avocat d'Alfredo Cospito a demandé un recours en cour constitutionnelle, justement en disant que même dans des cas plus graves, disons en tout cas, ça avait même pas été donné. La cour constitutionnelle, le problème c'est qu'elle ne s'est pas encore exprimée. On ne sait pas quand elle s'exprimera sur cette question-là. Et en revanche, on attend peut-être le 7 mars pour voir si il y a la cassation qui s'exprimera en revanche sur son maintien ou non dans le régime du 41 bis. Malheureusement, le 7 mars, c'est dans très longtemps et on a bien peur qu'en fait, Alfredo n'ait pas le temps d'attendre cette date-là, disons. Oui, alors pour revenir à maintenant son état de santé, on est à 104 jours de grève de la faim, enfin, c'est très très long. Il a perdu plus de 40 kilos, il a perdu son gras et sa masse musculaire, donc c'est des conditions qui sont complètement alarmantes et sa santé se dégrade jour après jour. Il était jusqu'à présent suivi par un médecin deux fois par semaine qui reportait son état de santé. Et là, il vient d'être transféré, comme on disait, dans une nouvelle prison qui est la prison d'Opéra à Milan. Il faut bien comprendre que la ligne là, elle est très claire parce qu'il demandait sa déclassification de ce régime-là spécial. Mais en fait, la prison d'Opéra est une prison qui a le même régime de détention d'isolement du 41 bis avec, par contre, un hôpital et une possibilité de soins intensifs, ce que n'avait pas la prison dans laquelle il était avant en Sardaigne. Je pense que là, c'est très clair qu'ils ne le bougeront pas du 41 bis, malheureusement. Je tiens juste à préciser que il y a très peu de jours, il y a eu quelque chose qui était très grave aussi. Ils ont essayé de censurer son médecin qui le suivait en l'empêchant de pouvoir donner une interview à une radio militante qui suivait régulièrement son état de santé. Ils l'ont empêché par une directive de pouvoir un peu raconter dans quel état se trouvait Alfredo Cospito. Je pense qu'il y a deux plans à séparer. Il y a sa condition à lui, malheureusement, elle n'est pas en train de bouger beaucoup. Depuis qu'ils ont reconfirmé son maintien dans ce régime de détention-là le 5 décembre dernier, il n'y a pas vraiment d'espoir parce que les seules manières de sortir du 41 bis, c'est ou de collaborer avec les flics, de manière générale, hein, donc de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Cospito ne le fera pas, et très certainement. Et l'autre option, c'est la grâce des hautes instances de l'État. Là, on est depuis pas mal de temps maintenant déjà sous un gouvernement fasciste en Italie, et le gouvernement fasciste a dit très clairement qu'il ne signera pas une grâce, mais on imaginait bien qu'il ne signerait pas une grâce pour libérer un prisonnier anarchiste insurrectionnaliste, et où le ministre de la Justice qui lui aussi a confirmé qu'il ne le ferait pas. Donc les espoirs malheureusement sont assez minces, d'autant plus que Alfredo a toujours dit qu'il porterait cette grève de la faim jusqu'au bout. Alors, pour parler des effets plus larges que font cette grève de la faim et très certainement aussi les actions en solidarité, déjà ça visibilise cette grève de la faim. Rappelons quand même qu'il y a déjà des gens qui sont morts en grève de la faim dans ce même régime-là, dans silence le but total. Donc voilà, maintenant Monsieur X allume la télé, écoute la radio, ouvre le journal, on parle d'Alfredo Cospito et avec ça on parle de ce régime d'incarcération. Il n'est pas le seul, hein. Il y a plus de 750 personnes qui à l'heure actuelle sont détenues dans le 41 bis, même si ça a toujours été un peu un sujet de controverse. D'une certaine gauche en Italie et même des commissions européennes qui avaient dit que c'était de la torture, moi on en parle de manière plus large et on parle de la tôle. Ça c'est absolument important que la société civile un peu soit nez à nez avec la question de la tôle qui malheureusement de manière générale n'intéresse que des militants, des associations, des proches de détenus ou juste les détenus. En général, c'est très loin et c'est un sujet tabou, bien évidemment. On sait très bien que la tôle n'intéresse pas grand monde, au contraire. Et l'Italie, rappelons juste que ces dernières années a vécu des trucs assez terrifiants dans ses prisons. En 2020, pendant la pandémie, les matons ont assassiné presque une quinzaine de personnes qui étaient en révolte contre les conditions pendant le Covid. Voilà, et l'année 2022 a aussi compté plus de 80 personnes qui se sont suicidées en tôle. C'est un triste record. On n'avait jamais vu ça auparavant. Donc c'est très bien aussi qu'en fait on parle de la tôle de manière plus générale, ça c'est indéniable. Après quoi, voilà, faut pas se mentir, je pense qu'on est quand même bien loin de remettre en question le postulat d'existence de la tôle en elle-même. On est encore plus loin de parler de la question punitive dans son ensemble, et malheureusement continue à justifier la société, justifie encore la prison, voilà, ça c'est clair. Et malheureusement, voilà, c'est bien la prison qui crée la société, pas son inverse. Mais ça, bien évidemment, on est face à un pouvoir qui a bien rodé et bien huilé son système répressif à l'encontre de toute action politique, de tout groupe militant depuis des années. Et malheureusement, cet acharnement continue en Italie de manière de plus en plus accrue. Essaye d'annuler toute forme de conflit. La répression envers les militants est vraiment hallucinante, et de plus en plus hallucinante. C'est la question de la raison de l'État, quoi, de manière contemporaine, qui continue à justifier avec son action politique la répression des ennemis et de créer l'idée de l'ennemi public. Là, ils ont fait maintenant de Cospito en particulier une narration d'un fictif d'un leader anarchiste. Et voilà, c'est là-dessus qu'ils jouent. Je pense bien qu'avec le nouveau gouvernement fasciste, malheureusement, ces choses-là ne tendent pas à s'arranger, bien évidemment. Voilà un peu pour résumer. Oui, je voulais dire que, en tout cas, c'est évidemment compliqué de commenter des faits alors que la grève de la faim que mène Alfredo Cospito est encore en cours. Il y a bien évidemment un appel à solidarité qui est lancé depuis le début. Je pense que la première chose à faire, c'est ce que j'espère qu'il est en train de se faire là, non, en tout cas, en parler, s'informer, enfin, continuer à visibiliser cette grève de la faim et ses conditions de répression en particulière. Disons, j'espère aussi que, évidemment, ça concerne, en tout cas, que de manière plus large, parce que, comme on le sait, la répression, elle s'acharne aussi et toujours continuellement sur d'autres personnes et sur des franges de la population plus marginalisées, racisées et pauvres. Et ça, c'est toujours important de se le répéter et de savoir que particulièrement là en Italie, avec le gouvernement d'extrême droite, le gouvernement fasciste, ces choses-là ne tendent pas du tout à s'améliorer, au contraire. Donc c'est important qu'on arrive à parler de répression plus largement. Omis de dire qu'il y avait des prisonniers politiques, des prisonniers anarchistes qui s'étaient, même en dehors de l'Italie, unis à cette grève de la faim en solidarité avec Alfredo Cospito. Mais là, il est vrai qu'on arrive à 104 jours, on arrive à des conditions vraiment d'urgence, des conditions très graves. Donc il faut absolument en parler, évidemment. Espérons qu'on puisse continuer à s'organiser et à résister ensemble et à soutenir qui lutte. Voilà. Merci en tout cas à vous et bonne continuation. Ciao. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.